pages arrachées à Lewis Carroll. Cinquième épisode, poésie et fantasmagorie. S'échapper du pays du dehors. Enregistré sans public à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Alors qu'un étrange frelon à perruque est sur le point de raconter son histoire et d'expliquer pourquoi sa perruque est tellement en désordre, Alice se rend compte d'un détail. Presque tous ceux qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent lui ont récité des poèmes. Elle se demande si le frelon, à son tour, pourrait se mettre à raconter son histoire en vers. Le monde d'Alice et de Lewis Carroll est ainsi. La poésie semble être la manière la plus naturelle de s'exprimer. La prose étant une sorte de poésie encore à l'état de sommeil. De fait, Alice au pays des merveilles est farcie de poèmes. On en trouve davantage encore dans De l'autre côté du miroir. Quant à la chasse au snark, c'est une aventure entièrement composée en vers. Dès l'âge de 13 ans, Lewis Carroll publie un magazine manuscrit intitulé « Poésie utile et instructive ». Presque un demi-siècle plus tard, il compose le sonnet dédicatoire pour son livre « Sylvie et Bruno ». Entre les deux, il n'aura cessé de faire des vers, tantôt sombres comme ses premiers poèmes intitulés « Horreur, larmes, terreur ou malheur », parfois allégés par une bonne dose d'absurdité. L'absurde et le nonsense sont là pour donner au lecteur une porte de sortie vers un monde imaginaire, sans doute plus joyeux que le nôtre, mais pas seulement. Le nonsense, les glissades, les jeux permanents avec les mots, lui permettent de décortiquer la langue et de rendre à chaque vocable une intensité qu'il a tendance à perdre, au point de le rendre plus vivant, presque autonome, comme ces objets prenant soudainement la parole dans les contes. Plus qu'ailleurs, dans le célèbre Jabberwocky, les mots s'évadent loin de toute signification pour jouir d'une liberté inconnue jusqu'alors. Poeta fit non nascitur. Comment pourrais-je devenir poète? Comment pourrais-je écrire en Times? Un jour, vous m'avez dit... Ce souhait-là lui-même participe du sublime. Alors dites-moi comment? Ne me congédiez pas avec votre... Plus tard. Le vieil homme sourit de le voir, d'entendre sa sortie soudaine. Il aimait que l'enfant laissât parler son cœur avec enthousiasme. Et songea... Il n'y a rien en lui de tiède ni d'irrésolu. Et prétendriez-vous devenir poète avant d'être allé à l'école? Eh bien, je n'aurais jamais cru que vous fussiez un sot aussi parfait. Tout d'abord, apprenez à être spasmodique. Règle très simple. Vous commencez par écrire une phrase, ensuite vous la hachez menue, puis mêlez les morceaux et les tirez au sort strictement au petit bonheur. L'ordre des mots est tout à fait indifférent. Si vous voulez faire impression, rappelez-vous ce que je dis. Ces qualités abstraites commencent toujours par des capitales. Le vrai, le bien, le beau, voilà les choses qui paient. Ensuite, lorsque vous décrivez une forme, une couleur ou un son, n'exposez pas l'affaire clairement, mais glissez-la dans une allusion et apprenez à regarder toute chose avec une sorte de strabisme mental. Par exemple, si je veux, monsieur, parler de pâté de mouton, devrais-je dire « des rêves de laineux flocons emprisonnés dans un cachot de froment » ?« Certes, » dit le vieil homme. « Cette phrase conviendra parfaitement. » Quatrièmement, il y a des épithètes qui vont avec n'importe quel mot, tout comme la sauce Harvey de Reading avec poisson, viande ou volaille. Parmi celles-ci, sauvage, solitaire, là, étrange, sont spécialement recommandables. Et cela ira-t-il, oh, cela ira-t-il si je les utilise en masse, comme dans « L'homme sauvage alla de son pas là vers une étrange et solitaire pompe. » Erreur. Erreur. Il ne faut pas, à la légère, sauter sur une pareille conclusion. De telles épithètes, comme le poivre, donnent de la saveur à ce que vous écrivez. Et si vous en usez avec ménagement, elles aiguisent l'appétit. Par contre, si vous en mettez trop, vous gâtez l'affaire complètement. Enfin, pour ce qui est de la composition, votre lecteur, il faut le lui montrer, doit prendre les renseignements qu'on lui donne et ne compter sur aucune divulgation prématurée des tendances et desseins de votre poème. Donc, pour éprouver sa patience, savoir ce qu'il peut supporter, ne mentionnez ni nom, ni lieu, ni date, et assurez-vous en tout cas que le poème est bien d'un bout à l'autre d'une obscurité compacte. Fixez d'abord les limites jusqu'auxquelles il devra s'étendre, puis farcissez avec du remplissage, demandez-en à quelque ami. Votre grande strophe à sensation, vous la placez vers la fin. Et qu'est-ce donc qu'une sensation ? Dites-moi, grand-père, s'il vous plaît. Je n'avais jamais jusqu'à maintenant entendu ce mot employé de la sorte. Ayez la bonté d'en citer une seule, exempli gratia. Et le vieil homme, promenant un regard attristé sur la pelouse du jardin, où ça et là une goutte de rosée étincelait encore dans l'aube, lui dit « Allez à la Delphie, voyez le colimbone. » Le mot est dû à Boussicault. La théorie est de son invention. Au point où la vie devient un spasme et l'histoire un sifflement, si ce n'est pas de la sensation, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, exercez-vous, bientôt la fantaisie aura perdu son présent éclat. Et alors ? Ajouta son petit-fils. Nous publierons ça, n'est-ce pas ? Couverture verte, lettres dorées au dos, en hindouze. Et le vieil homme sourit fièrement de voir l'ardent garçon se ruer comme un fou sur son encre et sa plume et son papier buvard. Mais lorsqu'il lui revint qu'on voulait publier, son visage se fit grave et triste. Jabberwocky. Il était reveneur. Les slictueux toves sur la loinde giraient et vriblaient. Tout flivoreux vaguaient les borogoves. Les verchons fourgus bourniflaient. Oh, Jabberwock, prends bien garde, mon fils. À sa griffe qui mord, à sa gueule qui happe. Gare l'oiseau Jabjab et laisse en paix le frumieux, le fatal pince-macaque. Le jeune homme, ayant ceint sa vorpaline épée, longtemps, longtemps cherchait le monstre manxiquet. Puis, arrivé près de l'arbre tépé, pour réfléchir un instant, s'arrêtait. Or, tandis qu'il lourmait de suffèches pensées, le Jabberwock, l'œil flamboyant, ruginiflant, par le bois touffeté, arrivait en bariboulant. Une, deux, fulgurant, d'outre en outre, le glaive vorpalin perce ses tranches, flac, vlon. Il terrasse la bête. Et brandissant sa tête, il s'en retourne, galonfant. « Tu as tué le Jabberwock ! Dans mes bras, mon fils rayonnois, au jour frableux, caloucaloc !» Le vieux gloufait de joie. Il était reveneur. Les slictueux toves sur la loinde giraient et vriblaient. Tout flivoreux vaguaient les borogoves, les verchons fourgus bourniflaient. La chasse au snark. Première crise, le débarquement. Le bon coin pour le snark ! Cria l'homme à la cloche, tandis qu'avec soin il débarquait l'équipage, en maintenant, sur le vif de l'onde, ses hommes, chacun par les cheveux suspendus à un doigt. Le bon coin pour le snark, je vous l'ai dit deux fois. Cela devrait suffire à vous encourager. Le bon coin pour le snark, je vous l'ai dit trois fois. Ce que j'ai dit trois fois est absolument vrai. L'équipage au complet comprenait un garçon d'étage, un marchand de bonnets et capelines, un avocat pour aplanir leurs différends, un courtier en valeur pour chiffrer leur fortune, un marqueur de billard d'une étonnante adresse, plus que sa juste part eût peut-être gagné, mais par chance, un banquier à grands frais engagé jalousement veillait sur toutes leurs espèces. Un castor qui arpentait le pont-promenade ou, assis sur l'avant, faisait de la dentelle, les avait, disait l'homme à la cloche, souvent du naufrage sauvé. Nul ne savait comment. Il y avait un homme connu pour tout ce qu'il avait oublié de transporter à bord, sa montre, ses bijoux, son ombrelle, ses bagues et les hardes acquises en vue du voyage. Il possédait 42 malles bien pleines, chacune portant peint lisiblement son nom. Hélas, comme il avait oublié de le dire, elles étaient encore sur la grève, en souffrance. De ces hardes, la perte importait fort peu, puisque lors de son arrivée, il portait 7 vestons et 3 paires de chaussures. Mais le pis est qu'il avait oublié totalement son nom. Il répondait à... Hep. Ou à n'importe quel éclat de voix. Ah. Zut alors. Ah. Nom d'un chien. Ah. Où diable son nom. Ah. Bah comment il s'appelle. Mais préférablement à... Trucmuche machin. Soi-disant boulanger, il s'avoua trop tard et s'a mis hors de lui le pauvre homme à la cloche, spécialiste en gâteaux de noces, pour lesquels la matière première on sans doute manquait. Le dernier de l'équipage exige une remarque spéciale, encore qu'il eût l'air horriblement sot, comme il n'avait rien d'autre en tête que... Snark ! Le brave homme à la cloche le prit sur le champ. Venu comme boucher, il déclara, très grave, quand on eut navigué durant une semaine, qu'il ne tuait que les castors. L'homme à la cloche blêmit, puis resta quasi muet d'épouvante. Tout tremblant, il finit pourtant par expliquer qu'il n'y avait à bord qu'un unique castor et que c'en était un à lui, apprivoisé, de qui l'on ne saurait que déplorer la mort. Notre castor, venant à ouïr la remarque, protesta hors de lui et les larmes aux yeux que même le bonheur d'aller chasser le snark ne pourrait compenser un coup aussi affreux. Depuis ce triste jour, chaque fois néanmoins que le cruel boucher était dans les parages, le castor s'appliquait à regarder au loin et affectait une réserve inexplicable. Deuxième crise, le discours de l'homme à la cloche. L'homme à la cloche, lui, tous au nu le portait. Un si noble maintien, tant d'aisance, de grâce, et cet air solennel, on le devinait sage rien qu'à l'expression de son mâle visage. Distribuant le grog d'une main généreuse, il convia chacun à s'asseoir sur la grève, et l'on dut convenir qu'il avait grande allure, cependant que debout il faisait son discours. « Amis, concitoyens, romains, écoutez-moi. » Tous, étant friands de belles citations, lui portant sa santé, poussèrent 3 « Hourras !» tandis qu'il resservait de larges rations. Nous avons navigué des semaines, des jours. Par semaine, 7 jours, on peut vérifier. Mais de snark, de vrais snark, pour l'amour de nos cœurs, nous n'en avons point jusqu'à présent contemplé. Allons, écoutez-moi, les gars, que je vous répète les 5 indubitables caractéristiques auxquelles, en tout lieu, vous pourrez reconnaître les véritables snark, garantis authentiques. Dans l'ordre, prenons-les. Tout d'abord la saveur, le goût, maigre et perfide, mais croquignolé. Ainsi qu'un habit trop étroit de la ceinture, avec je ne sais quelle fumée de feu follet. Son dada de se lever tard, vous avouerez qu'il le pousse trop loin si je dis que souvent, pour le déjeuner, le snark attend l'heure du thé, et qu'il ne dit guère avant le jour suivant. Ensuite... sa lenteur à saisir les finesses. En sa présence, si vous plaisantez un jour, le snark soupirera comme une âme en détresse, et jamais, jamais il ne rit d'un calembour. La quatrième est sa passion des cabines de bain qu'il véhicule avec lui constamment. Il y voit un appoint à la beauté des sites. Opinion sujette à caution, vraiment. La cinquième est l'ambition. Il faut ensuite vous décrire en détail les traits de chaque sorte, en distinguant ceux qui ont des plumes et mordent de ceux portant moustaches et jouant des griffes. Car si les snarks communs sont sans méchanceté, je crois de mon devoir à présent de le dire, certains sont des bouts de jambes. Alarmé, il se tait, car notre boulanger vient de s'évanouir. Troisième crise, le récit du boulanger. On le ranime avec des muffins, de la glace, avec de la moutarde et avec du cresson, avec de bons conseils et de la confiture. On le ranime en lui posant des devinettes. Lorsqu'enfin il revint à lui et put parler, il offrit de conter sa lamentable histoire, sur quoi l'homme à la cloche s'écria « Silence !» et, très surexcité, fit sa cloche tinter. Ce fut le grand silence. Pas un hurlement, tout juste quelques meuglements ou grognements quand le nommé « Ohé !» retraça son destin de misère sur un ton antédiluvien. « Mes pères et mères étaient, bien que pauvres, honnêtes. » « Sauce tout ça !» cria l'homme à la cloche en hâte. « Une fois qu'il fait noir, pour le Snark, plus d'espoir. Nous n'avons certes pas une minute à perdre. »« Je saute 40 ans, » dit le conteur en pleurs. « Et en vient tout de suite et sans autre remarque, au jour où vous m'avez pris à bord du navire afin que je vous aide à pourchasser le Snark. Un oncle à moi, très cher, dont je porte le nom, me dit lorsque j'allais lui faire mes adieux... « Saute, l'oncle très cher !» cria l'homme à la cloche en faisant retentir rageusement sa cloche. « Il me dit donc... » reprit le plus bénin des hommes. « Si ton Snark est un Snark, bon, ramène-le mort ou vif. Tu peux le servir garni de légumes verts ou bien t'en servir en guise de frottoir. Tu peux pour le traquer t'armer de dés à coudre, de fourchettes, de soins, d'espoir. Tu peux l'oxyre d'un coup d'action de chemin de fer. Tu peux le charmer avec du savon et des sourires. Mais, ô rayonnâtre neveu, gare le jour où ton Snark sera un bout de gemme. Parce que alors, soudain, tout doucement, toi, tu disparaîtras. Et jamais, jamais plus on ne te reverra. Quatrième crise, la chasse. L'air suffèche et le front plissé, le capitaine lui dit « Qu'attendiez-vous pour parler de la sorte, hein ? Il est fort maladroit à présent de le faire quand le Snark frappe, pour ainsi dire, à la porte. Nous serions tous navrés, je le dis sans embâge, si jamais, jamais plus on ne vous revoyait. Mais mon ami, pourquoi au début du voyage ne nous point avoir dit ce qui vous tracassait ? « La fin de mon discours !» cria-t-il à ses hommes. « Vous l'entendrez, si je la prononce jamais. Mais le Snark n'est pas loin, répétons-le encore. C'est votre glorieux devoir de le traquer. De le traquer, armé d'espoir, de désaccoudre, de fourchette, de soins. D'essayer de l'oxyre avec une action de chemin de fer ou de le charmer avec du savon et des sourires. » Car le Snark est un drôle que l'on ne peut guère capturer selon les méthodes ordinaires. Faites tout le possible et tentez l'impossible. Nulle chance aujourd'hui ne doit être gâchée. Mais le boucher, nerveux, arborant une mise soignée, une fraise et des gants beurre frais, dit avoir l'impression d'aller à un dîner, ce qui, selon le chef, n'était que vantardise. « Présentez-moi, » dit-il. « Ce sera très charmant si nous le rencontrons un jour étant ensemble. » L'homme à la cloche, avec sagesse, hochant la tête, l'air vague, répondit. « Ça dépendra du temps. Sois un homme !» cria outré l'homme à la cloche, tandis que le boucher éclatait en sanglots. « S'il venait, le jub-jub, ce frénétique oiseau, nous ne serions pas trop nombreux pour la besogne. » Cinquième crise, le sort du banquier. Il le traquait, armé d'espoir, de désaccoudre, de fourchette, de soins. Il tentait de l'oxyre avec une action de chemin de fer ou de le charmer avec du savon et des sourires. Et le banquier, soudain, se montrant si hardi que cela fut pour tous un sujet de remarque, s'élançant en avant à leur vue, se perdit, dans l'ardeur de son zèle, à découvrir le Snark. Mais comme il le traquait, armé de désaccoudre, un pince-macaque tel l'éclair surgit soudain pour s'en prendre au banquier qui, dans son désespoir, hurla, sachant, hélas, que fuir eût été vain. Il lui offrit une forte ristourne, un chèque, payable au porteur, de 7,5 livres. Mettant simplement le cou, le pince-macaque, de rechef, menaça le banquier de ses griffes. Sans répit, comme les frumieuses mâchoires férocement claquaient partout autour de lui, l'homme sauta, bondit, lutta, se débattit, jusqu'à ce qu'il tomba, défaillant sur le sol. Le prédateur s'enfuit quand parurent les autres accourus à l'appel affolé du banquier. L'homme à la cloche dit « C'est ce que je craignais. » Et solennellement, il fit tinter sa cloche. Sixième crise, la disparition. Il le traquait, armé d'espoir, de désaccoudre, de fourchette, de soins. Il tentait de l'oxyre avec une action de chemin de fer ou de le charmer avec du savon et des sourires. Il tremblait à l'idée de revenir bredouille. Et messire Castor, enfin intéressé, se mit à sautiller sur le bout de sa queue, car le couchant déjà était couleur de rouille. L'homme à la cloche dit « C'est lui, machin chouette ! Comme un démon, il crie !» « Oh, écoutez-le donc. Il agite les mains, il balance la tête. Sans nul doute, il aura découvert quelques snarks. » Écarquillant les yeux, tandis que le boucher disait « Ce fut toujours un sacré plaisantin. » Ils le virent, joyeux, leur héros innommé, leur boulanger, au faîte d'un rocher voisin. Sublimement dressé l'espace d'un instant, l'instant d'après, hélas, cette folle figure, comme en convulsion, s'abîmait dans un gouffre tandis qu'ils écoutaient, anxieux, haletant. C'est un snark ! Tel fut le son qui d'abord frappa leurs oreilles, semblant, pour être vrai, trop beau. Puis ce fut un torrent de rire, de hourra, puis, de mauvais augure, les mots. C'est un bout ! Et puis plus rien. Certains crurent dans l'air, ouïr, un soupir divagueur, équivoque et lassé qui pouvait être... Jem. Les autres prétendirent que c'était seulement la brise qui passait. Jusqu'à la nuit, chassant, ils cherchèrent en vain une plume, un bouton, un indice quelconque qui permit d'affirmer qu'il foulait le terrain où le boulanger avait rencontré le snark. Au milieu de ce mot qu'il essayait de dire, au milieu de sa joie et de son rire fou, soudain tout doucement... Il avait disparu, car ce snark, c'était un bout de jum, figurez-vous. Jabberwocky. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the Jabberbird, and shun the frumious Bandersnatch. He took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. So rested he by the tumtum tree, and stood a while in thought. And, as in uffish thought he stood, the Jabberwock, with eyes of flame, came whiffling through the tulgey wood, and burbled as it came. One, two, and through the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head he went galumphing back. And hath the slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Kalukalay! He chortled in his joy. 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wabe. All mimsy were the borogoves, and the mome raths outgrabe. C'était Pages arrachées à Lewis Carroll. Une coproduction France Culture et le Théâtre de la Ville, enregistrée à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Cinquième épisode, avec Philippe Lodenbach, Jean-Paul Faré, Olivier Clavry, Élise Caron, Juliette Roudet, Emeline Bayard, Yvan Cory, Pierre-François Garel et Pauline Moulin. Choix des textes, Pierre Sange, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Équipe technique, Benjamin Perru, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire. Les textes lus étaient extraits de l'œuvre complète de Lewis Carroll, parue en 2 tomes chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Traduction Henri Parisot et Simone Lamblin.